le beau navire. Je veux te raconter, ô molle enchanteresse, les diverses beautés qui parent ta jeunesse. Je veux te peindre ta beauté, où l'enfance s'allie à la maturité. Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large, chargé de toile, et va roulant, suivant un rythme doux et paresseux et lent. Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses, ta tête se pavane avec d'étranges grâces. D'un air placide et triomphant, tu passes ton chemin, majestueuse enfant. Je veux te raconter, ô molle enchanteresse, les diverses beautés qui parent ta jeunesse. Je veux te peindre ta beauté, où l'enfance s'allie à la maturité. Ta gorge qui s'avance et qui pousse la moire, ta gorge triomphante est une belle armoire dont les panneaux bombés éclairent comme les boucliers accrochent des éclairs. Bouclier provoquant, armé de pointes roses, armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses, de vin, de parfums, de liqueurs qui feraient délirer les cerveaux et les cœurs. Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large, chargé de toile, et va roulant, suivant un rythme doux et paresseux et lent. Tes nobles jambes, sous les volants qu'elles chassent, tourmentent les désirs obscurs et les agacent, comme deux sorcières qui font tourner un filtre noir dans un vase profond. Tes bras, qui se joueraient des précoces Hercules, sont des boas luisants, les solides émules, faits pour serrer obstinément, comme pour l'imprimer dans ton cœur, ton amant. Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses, ta tête se pavane avec d'étranges grâces. D'un air placide et triomphant, tu passes ton chemin, majestueuse enfant.